Les belles rencontres. Bonjour, je m'appelle Anne Bergeron, je suis artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter un artiste du Haut-Saint-François, demeurant à Saint-Mathias-de-Bonne-Terre, Jacques Boutin, qui est un grand peintre animalier de renom et qui va nous parler de son immense passion des animaux et de sa démarche artistique qui est très grande aussi. Bonjour Jacques. Bonjour. Avant de devenir peintre animalier, comment s'est apparue ta passion pour les arts? C'est-tu quand tu étais enfant, adolescent? Ça a commencé assez jeune. Assez jeune? Oui, ben, vers l'âge de 7 ans. 7 ans, vous dites. Ben, je dis environ, là. En tout cas, je ne me souviens pas assez à 100%, mais je sais que j'étais dans les premières années, en tout cas. Là. Mm-hmm. Puis j'avais commencé, ben, étant donné que je n'étais pas aussi bon dans les études, ben, j'avais commencé à griffonner pas mal. Puis, fin du compte, ben, là, j'avais commencé à faire des Mickey Mouse. Là, puis là, les gens, ben, les jeunes, en tout cas, mes amis. Des amis, oui. Je voulais avoir des dessins. Ben, quand j'ai vu ça, ben, j'ai commencé à en faire plusieurs. Puis, j'ai commencé à les vendre. Ah oui, ça a bien été. Oui, ça a bien été. Là, je me souviens, je les vendais à 2 cents. Je pense que c'est 2 cents là, du dessin que je faisais. Oh mon Dieu! Mais c'est encourageant. Oui, ça avait bien commencé. C'était plaisant. J'en faisais peut-être une dizaine par semaine. Ben, ouais. J'essayais d'échanger tranquillement. Puis, mais ça commençait de même, la passion du dessin. Ah oui. Parce que je ne savais pas que j'étais bon ou pas à ce moment-là. Je faisais juste commencer. Tu étais attiré vers ça. Oui, comme oui, s'il y avait un destin de dessiner. Oui, c'est si ça. On peut dire dessiner, dessin. Donc, tu as commencé à faire des dessins comme ça. Est-ce qu'on t'avait placé une place parce que tu étais jeune? Est-ce que tu faisais ça sur la table de la cuisine, dans un atelier? Ah, non, non. Ben, j'avais une place. C'est parce qu'à un moment donné, je m'étais fait un genre de petit bureau. Ben, je trouvais ça le fun dans le sous-sol de mes parents. On était dans un coin de cave, puis là, j'avais tout fait mon bureau. Déjà, tu avais ton emplacement. Bon, ouais, c'était plus du plaisir. Puis mes amis venaient aussi, puis là, ben, on dessinait. Puis on essayait de faire des choses, des fois on était deux, des fois on était trois, mais bien souvent j'étais tout seul, mais j'ai commencé à dessiner, puis je voulais même faire des bandes dessinées. Ah oui. Puis j'avais commencé à faire ça tranquillement, mais j'étais pas aussi bon. T'as fait des bandes dessinées, même jeune? Oui, oui, oui, mais disons, je sais pas si ça valait, je m'en souviens plus, je sais que j'en avais envoyé un en Belgique. Ah oui! Mais ça m'était revenu. C'était pas bon. Mais c'est pas grave, tu l'as fait pareil. Oui, c'est ça, j'avais passé bon, pas mal de temps à faire ça, mais encore. Comme je te disais, dans ce temps-là, je faisais ça même à plume. Et tu vas m'acheter toutes des petites plumes. Là, des plumes de calligraphique, là? Oui, oui, oui, oui. Avec, je faisais des petites jobs. Oui, puis je faisais du gardinage. Du gardinage. Du gardinage? Oui, oui, pour me payer des plumes. Ah oui, tu faisais du gardiennage. Ah, c'est bon. Ah oui, pour te payer des plumes comme c'est ça. C'est ça, parce que je voulais le faire au propre. Ah, c'est bien. Tu étais déjà très minutieux. Ben, c'était pas aussi, ben, aussi comme aujourd'hui, c'est bien différent, mais dans ce temps-là, c'était vite fait, parce que je voulais aller vite, là. Mais c'est juste pour dire que ça avait commencé de même. Moi, c'était plus le dessin qui m'attirait pas mal. Est-ce que tu as suivi des cours ou non, j'ai pas suivi de cours, autodidacte, oui. Mais les dessins que tu faisais, est-ce que c'était des dessins d'animaux à ce moment-là? Non, à ce moment-là, mon douche, ben, c'est d'autres, c'était, ben. À l'adolescence, à mettons, quand tu étais ado? Que je me souviens, moi, ben, le petit livre que j'avais fait, c'était sur les petits romans de guerre. Là, ah oui. Oui. En tout cas, c'était sur la guerre. En tout cas, je ne sais pas trop. Ben oui. Dans ce temps-là, c'était à mort, peut-être. Mais après ça, le paysage, j'en ai fait un petit peu, mais pas, c'était pas des grosses toiles ou des gros sujets, là, c'était tout des petites affaires. Puis, mais tu le faisais tout le temps. Toujours, c'était comme un hobby qui était devenu. C'est ça, c'était plus comique aussi, c'était plus des comiques, là, c'était Ah, des comiques? Ouais, ouais, ouais. Mais, des personnages? C'est ça, avec des personnages, puis une petite histoire, puis. Mais disons, ça a commencé là. Là, tu me dates ça de loin pas mal. Là. Mais oui, c'est ça. Parce que dans le fond, tu étais vraiment plongé dedans, mais par toi-même. Oui, oui, oui. Tu sais, ça, c'est ça qui est le fun. C'est comme si tu étais vraiment, là, vraiment plongé là-dedans, là, comme Astérix, là, dans. Oui, parce que je m'en souviens aussi. Là, c'est parce qu'on en parle. C'est parce que je m'en souviens, à un moment donné, je pense que j'étais un petit peu là-haut en études, pendant peut-être, moi, je vais dire. 7e, 8e année, peut-être. Là, c'est bien à la... Moi, là, ça a monté un peu. Et j'avais un professeur, il m'avait dit, tu devrais être bon en dessin, tu devrais suivre un petit cours. Puis ça ne m'intéressait pas, ben quoi, avec les adultes le soir, tu sais. OK. Puis là, ben, il dit, ah, je vais bien, puis ça ne te coûtera pas rien. Là, j'étais allé, je pense, c'est deux soirs. Ah, oui. Puis là, ben, c'était plus du dessin. Il y avait, je pense qu'il y avait un genre de bouquet de fleurs qui avait au centre d'une table. D'une table pour tout le monde. Puis là, tout le monde dessine ça. Puis moi, j'étais gêné parce que j'étais le seul de jeunes parmi tout le grand monde. J'avais décidé de lâcher ça, là. Ah, oui. Tu te sentais pas. Non, ben, je trouvais ça trop. C'était trop. Comme je ne sais pas comment dire ça, là. Ben, les personnes étaient trop âgées en conséquence de moi. Puis, puis aussi, c'est parce que toi, tu aimais inventer. Puis là, le sujet était peut-être plus imposé. Ouais, peut-être ça. Peut-être que c'était trop imposé, peut-être, justement. Ouais, c'est ça. Tu voulais faire tout, mais un peu la même chose toute la gang. Puis je me sentais épié plus. Puis je me sentais pas vraiment à l'aise. Puis, mais quand même, pour qu'il t'ait suggéré de faire ça, c'est que déjà, il voyait le talent. Ouais, ben, il savait que d'un coup, je dessinais tout le temps. Ouais. Et puis, ça veut dire que je sais que tu aimes beaucoup peindre les animaux. Tu es un peintre animalier dans l'âme pour ça. Mais est-ce que tu as déjà peint des paysages avant les animaux? Oui. Quand j'ai commencé, ben, mon doux, ça a été en 93 à peu près. Là. Ben là, j'ai commencé à faire un peu. Ben, j'avais écouté une émission à TV, je pense, sur le canal 50, c'était Bob Ross. Je sais pas. Il y en a plusieurs qui le connaissent. En tout cas, il était bien frisé, là, avec une grosse top, là. En tout cas, j'avais vu ça à TV, puis bon, il faisait une peinture d'une demi-heure, puis c'était fait, puis ça, bon, ça a l'air facile, tu sais. J'ai dit, je vais essayer juste pour le fun. Ben, au début, j'avais dit, ben, à mon épouse, j'ai dit, je vais attendre ma retraite. Elle m'a dit, non, comment ça? Elle dit, t'es capable de le faire, puis assieds-toi. De toute façon, t'étais attiré vers ça, tu voulais l'essayer? Oui, ben, je l'avais déjà essayé un petit peu avant, mais là, c'est parce que je m'en souviens pas assez pour en parler, là. Je n'ai déjà fait une avant, parce que c'était en peinture. Je sais que ma sœur avait eu ses enfants, elle m'a demandé de faire, ben, elle savait que je dessinais beaucoup de ça. Elle dit, tu devrais me faire un clown. Mes petits neveux, c'est ça. Puis là, j'avais essayé ça en peinture. Là, je l'avais fait en peinture, mais c'était en spatule. Ah, c'est ça veut dire que tu as essayé la spatule. Oui, puis elle a aimé ça au bout. Elle a dit, ah, c'est super beau. Puis là, du jour, tu m'en as fait un autre pour une autre personne. Du tout. La fin de fois, on avait fait deux, puis après ça, j'ai dit, oh, la spatule, c'était pas assez. Ben, je connaissais pas d'autre chose à ce moment-là. Ah, mais je connaissais pas d'autre chose. Ben, au pinceau de main, je n'étais pas capable. Ben, je pensais pas d'être capable. Moi, j'ai dit à la spatule, ça allait facile. Parce que c'était plus rare dans ce temps-là de passer de peindre à spatule. Tout le monde commence au pinceau. Oui, ben moi, j'ai vu que j'avais pas suivi de cours. Moi, pour moi, j'avais pas écouté d'émission nulle part à ce moment-là. Moi, pour moi, ça se faisait bien à spatule. Je l'avais fait à spatule. Ah, ben, c'est bon. Puis ça, je m'en souviens de ça. Mais après ça, la peinture, ben, ça a été plusieurs années après. Mais comme je te disais, en 93, là, j'ai commencé. Ben, en spatule encore, c'est vrai. J'ai changé après. Okay. Mais tu avais fait les paysages à la spatule ou le clown à la spatule? Tout, ouais, parce que tu ne connaissais pas le pinceau. Non, mais je ne savais pas comment le manier. Puis je savais, ben, moi, en spatule, c'est comme un mélange de couleurs que je faisais. Là. Ah oui. Les mélanges, je faisais quand même assez bien. C'est pour ça que je me disais, mais ça va aller plus facile. Oui. Mais c'est sûr qu'après, quand on connaît le pinceau, ben, c'est une autre affaire, une autre technique différente. Là, c'est ça. Mais avant d'aller au pinceau, tu as fait aussi des bandes dessinées. Ça, c'était avant la peinture, par exemple. Avant la peinture, c'est ça. C'est parce qu'on va. Oui, parce que ça vaut la peine d'en parler, parce que moi, ici, j'ai des belles images là qui sont merveilleuses, des bandes dessinées. Oui, ça a commencé, ça. Ben, comme je te disais, dans le dessin, j'ai toujours aimé ça, puis ça a toujours été ma passion. Je pense que le dessin plus que bien d'autres choses. Puis, ben, à ce moment-là, ben, j'ai dit, je vais ouvrir une agence de publicité. Puis, en même temps, je vais faire rien du dessin. Juste des comics et des compagnies. Puis, c'est vrai que c'est ça qu'on a fait aussi. Mais entre ça, des fois, on avait des moments plus, moins bons dans la compagnie. Plus calme. C'est sûr, on va repartir des bandes dessinées. OK. C'est pour vendre. En tout cas, l'idée, c'était qu'on faisait une bande dessinée, mais commerciale. OK. Puis, fin du compte, là, c'est ça. Ça a commencé là, mais c'est parce que c'est tout mélangé aussi, là. C'est là que j'avais engagé des vendeurs aussi, mais que ça n'a pas fonctionné, de toute façon. Mais c'est pas grave, tu l'as fait. J'étais pas un homme d'affaires, peut-être pas assez, là. Mais là, c'est pour ça, en temps mort, ben là, j'en ai commencé à faire avec le groupe que j'avais, faire des bandes dessinées même. Oui. Puis c'est ça, il y avait Hervé Félix, comme je te disais, qui travaillait pour le Journal de Montréal, de Sherbrooke. Mm-hmm. Il fallait des caricatures encore aujourd'hui, lui aussi. Mais comment il s'appelle? Hervé Félix, ouais. Qui travaillait avec toi. Ben, il était dans notre groupe. En collaboration, OK. C'est ça, ouais. Ben, c'est à ce moment-là, c'est parce que moi, j'avais commencé, au début, j'avais commencé de ça. OK. Mais après ça, ben, vu que ça commençait à marcher un peu mieux, ben, j'ai commencé à engager des vendeurs. Oui. Puis en ayant des vendeurs, ben là, l'ouvrage venait en coin un petit peu plus. Ben là, j'ai commencé à engager des dessinateurs. Tiens, ben oui, ça grossissait. C'est ça. Jusqu'à temps que ça gagne différemment. Là. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie du courant de la vie. Mais tu as toujours été actif, de toute façon. Ah, oui, oui, oui. Tout le temps. Parce que tu dis que dans tes temps plus calmes, là, tu faisais de la bande dessinée. C'est ça, oui. Ben, ça a toujours été dans actif. Bande dessinée, des comics, ben, des livres à colorier. Mais c'est ça aussi. Je t'avais connu la première fois, tu avais parlé de livres à colorier. Ça veut dire que tu concevais des livres à colorier, tu faisais des dessins et tout ça? Ben, moi, à ce moment-là, je faisais les dessins. J'allais te présenter au centre d'achat. Oh, mais je faisais ça pour les centres d'achat et les Pères Noël. Ah oui! Moi, oui, ça, on avait 52 centres d'achat. On fournissait à toutes les années. Oui, oui. Ça, c'est bon. Puis on faisait, ben, ce soir, ben, vu, c'était c'est super, ça. C'était des organisations, mais je veux dire, c'était des groupes de marchands, ben, de centres d'achat, tu sais, des associations. Oui. Il fallait des fois faire 2-3 livres différents pour chaque association. Là, c'était compliqué un peu. Mm-hmm. Ben, je partais et j'allais vendre, comme les d'Anjou, la capitale de Québec. Ah oui, puis tu partais avec tes livres toi-même? Carrefour de l'Estrie. Ben, je partais avec les dessins seulement. OK. Là, je vais lui vendre mes dessins, mais mon livre à colorier, dans le fond. Oui. Puis là, ben, c'est ça, je prenais les commandes pour le Noël qui s'en venait. Puis j'ai fait ça, mon dos, j'ai fait ça plusieurs années. Mais quand tu dis honte, étais-tu avec... Ben, je veux dire, moi, de l'imprimerie, je parle. Okay. J'étais avec ma femme. Moi, j'étais seul à ce moment-là. Il y a plus d'agence de publicité, là, fait fermer mes portes à cause d'autres choses, là. OK. Mais après, ben, moi, j'ai continué dans ce domaine-là, quand même, parce qu'au début, on avait quand même commencé un petit peu avant que ça y aille mal, là. Oui, ça s'est comme chevauché c'est en ça. Même temps. Pour aider les dettes, parce qu'on était endettés à ce moment-là, ben là, j'avais continué tout seul. Mm-hmm. Là, c'est ça que je faisais. Moi, je faisais les ventes, même si j'étais très gêné, j'allais les ventes pareil. Mm-hmm. C'est ça, je me suis rendu compte. On avait, comme je te disais tout à l'heure, une cinquantaine, 54 centres d'achat qu'on fournissait pour Pâques, Noël, puis mais ça faisait juste ça. Mais c'est ça, ça fait beaucoup de dessins, ça? Ben, ça faisait deux livres par année, 2-3 livres différents. Par année. Mm-hmm. Et ça fait quand même beaucoup de création. Ah oui, oui, oui, oui, c'était prenant. Là, ça paraît pas, mais c'est très prenant. Ben oui, mais quand tu concevais tes dessins, est-ce que tu les faisais de mémoire ou si tu avais des mémoires? C'était de mémoire. Ben, c'était plus de mémoire. Tu sais, ben, c'était pas stassin quand même. Là. C'était pas archi compliqué. Mais ça fait rien. Faut quand même que ce soit tout différent. Oui, oui, c'est ça. C'était plus parler de moi depuis le temps. À un moment donné, c'est sûr que vers la fin, on trouvait ça un peu plus dur. Là. Mais oui, il fallait se trouver de... En tout cas, je dis toujours rond, mais c'est parce que j'étais avec dans mes poules. Portable du rond, en tout cas. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais au moins, tu n'étais pas tout seul. Tu étais tout seul. Dans le sens, tu n'avais pas d'employé, mais vous étiez... C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais acheté mon imprimerie aussi. J'avais commencé à faire de l'imprimerie. Là. Tranquillement, on avait acheté des presses, et ainsi de suite. Là, c'est ça, on allait vendre. Moi, j'allais vendre 2 jours. Après ça, je faisais des dessins. Je les faisais accepter. D'après ça, ben, on faisait la production après. Ah, puis c'est en cours là. Ben, après ça, la livraison, mais c'était jour et nuit tout le temps. Mm-hmm. Des fois, je m'en souviens, on partait en plein milieu de la nuit, le polyfil de la livraison d'un centre d'achat, parce que le lendemain, il fallait revenir pour qu'on continue à produire. Oui. Ça, j'ai fait ça de bien des années. C'est un travail à temps plein, ça? C'était des 20 heures par jour, 5 jours par semaine. Oui. Ouais. C'est perdu. Il n'en restait pas plus en fin de la semaine. Mais c'est beaucoup de courage aussi, hein? Oui, mais je pense que quand tu aimes ça, tu vois ça d'une autre façon. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Je n'ai pas aimé ça, peut-être ça aurait été plus ardu, plus dur. Mais c'est ça, c'était vraiment la façon qui te nourrissait, fait que ça allégeait beaucoup le... Oui, je pense que oui, puis j'avais aussi une femme quand même qui était assez... comment je dirais ça, était bonne, en tout cas, elle acceptait beaucoup de choses. Ben, il croyait, hein, comme toi, tu y croyais. Oui, ben, du coup, elle n'avait pas le choix. À suivre.